Je m'appelle Jean-Antoine Dubank. Je dirige une équipe au Centre de numérologie de Marseille-Lumini. Se focalise sur l'étude des interactions entre un animal, un petit nématode qui s'appelle Cynarhabditis elegans, et des pathogènes. Et notre but, c'est d'essayer de comprendre comment cet organisme se défend face aux infections. J'étais né en Angleterre, j'ai fait mes études de licence à Oxford, où j'ai étudié la biochimie. Avant de me lancer dans mes études, j'avais travaillé pendant un an dans une société de biotech. Et un jour, cette société a fait venir un conférencier qui a présenté sa thématique de recherche qui était sur le répliement des protéines. C'est un sujet que d'un seul coup, j'ai trouvé génial. Et après 4 ans d'études de licence, j'ai contacté cette personne qui m'a accepté pour faire une thèse dans son laboratoire. Donc j'ai fait une thèse. D'occurrence, c'était au laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge. J'ai eu pas mal de contacts avec des chercheurs travaillant avec C. elegans. Mais à l'époque, j'avais aucune idée que je travaillais également à C. elegans dans l'avenir. Mon directeur de thèse, qui s'appelait Tom Crichton, a fait le choix après 2 ans de déménager à Heidelberg. Donc j'ai rejoint le laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, où j'ai passé 2 ans. Après une courte séjour à New York, j'ai effectué un postdoc à McGill, à Montréal. Il s'avère que quand j'étais à Cambridge, j'avais rencontré Siegfried Hakimi, qui travaillait avec C. elegans, lors d'une crib qu'il a fait pour identifier des mutants ayant un problème comportemental. Il est tombé par hasard sur des mutants qui étaient plus lents. C. elegans se développe de manière très reproductible, non seulement en termes de les cheminements des divisions cellulaires qui amènent à la formation de l'adulte, mais cet développement subit un contrôle temporel extrêmement précis également. Donc, normalement, les vers sauvages, comme on les appelle, s'ils n'ont pas de problème. Donc, les vers sauvages vont développer avec les divisions cellulaires une durée de 45 minutes, avec une durée totale de 2 jours et demi. Lui, Siegfried Hakimi, a trouvé des mutants qui mettaient presque 2 fois tant pour se développer. Vu de l'œil, on regarde C. elegans sur le microscope, et donc sur le microscope, ces mutants ressemblaient précisément à un ver normal. Or, les comportements rythmiques chez l'adulte, sachant que C. elegans va pomper avec son pharynx 2 ou 3 fois par seconde, il va faire une défécation chaque 45 secondes, et il va pondre 6 œufs chaque heure. Chacun de ces caractéristiques ont été allongées. Donc, il pompait même vite, il déféquait plus lentement, et il pondait des œufs également, plus lentement. Tout ça à cause d'une seule mutation. Siegfried est parti de Cambridge à Montréal. Moi, je suis parti de Cambridge à Heidelberg. On est resté en contact. Et il m'a demandé si j'avais envie de lui rejoindre à Montréal pour travailler sur le clonage, sur l'identification d'une mutation qui était responsable pour ce changement assez extraordinaire chez C. elegans. Donc, j'étais complètement séduit par le projet et j'ai rejoint Siegfried à Montréal où j'ai passé 4 ans, où effectivement j'ai cloné ce gène et j'ai pu montrer que c'est un gène qui intervient dans la contrôle de l'activité mitochondriale, donc les mitochondries qui génèrent l'énergie nécessaire pour tout processus biologique, et en faisant ce travail, nous avons pu démontrer qu'il existait un mécanisme central qui contrôle la vitesse de vie d'un organisme. La seule motivation pour faire ce changement entre le répliement des protéines et la génétique de ces ligands, c'était la curiosité. J'ai trouvé cet projet très séduisant et j'ai suivi ça. Quand Siegfried m'a demandé de rejoindre son équipe, on n'avait aucune donnée pour suggérer que malgré ce ralentissement, l'éveil aura une vie plus longue. En fait, après étude, il s'avérait que l'éveil qui vit lentement vit longuement aussi. Donc, ils ont une durée de vie qui est allongée. Et aux États-Unis, la sénescence est considérée comme une maladie. Il y a même des sociétés qui visent à lutter la sénescence. Personnellement, je trouve ça aberrant. Je considère que la sénescence fait partie de la vie. Et au même temps, quand j'étais à Montréal, j'avais un autre collègue qui était aussi à l'EMBL, quand j'étais à l'EMBL, et lui travaillait sur Leishmania. Donc Leishmania, c'est un parasite qui tue des millions de personnes tous les ans. À l'époque, les connaissances sur la biologie de Leishmania étaient inexistantes. Quand j'ai exprimé l'envie de travailler dans un domaine qui touchait une vraie maladie, pas la sénescence, mais une vraie maladie qui tue des gens, Michel m'a mis en contact avec quelqu'un à Lumini, Jean-Pierre Gorvel. J'ai fait une visite chez Jean-Pierre et Jean-Pierre m'a présenté son travail sur une bactérie pathogène qui s'appelle Salmonelle. Salmonelle qui est également un problème de santé publique assez important. Donc, en quittant Montréal, j'avais l'expectation de laisser tomber complètement ses élégances, de passer sur des modèles plutôt approchés à l'homme et des modèles des mammifères, souvent travaillant en culture cellulaire. Or, il s'avère qu'après 4 ans de travail avec ses élégances, c'est difficile de laisser tomber ce petit ver. De regarder ces vers sous la microscope, c'est quelque chose assez magique. Et de passer d'un animal et de la capacité de faire des études au niveau de l'animal, de passer de l'animal entier aux molécules, ou de travailler seulement avec des cellules en culture, j'ai trouvé que ces élégances me manquaient. Avec le soutien de Jean-Pierre Gorvel, j'ai commencé à travailler le soir, donc j'avais mon projet de journée, le projet du laboratoire. Le soir, j'ai récupéré un microscope, j'ai fait des boîtes, j'ai récupéré des verres, j'ai commencé à travailler avec Célégance, avec l'idée éventuellement d'utiliser Célégance comme une modèle pour comprendre les interactions entre hôtes et pathogènes. Des nématodes sont des petits vers. Donc, ils se trouvent dans la nature, dans le sol, surtout en présence des fruits encore de pourrissement. Ce nématode, c'est élégant, était choisi par un scientifique en Angleterre pendant les années 60. Sydney Brenner a fait ce choix car Célégance présente un certain nombre des caractéristiques qui le rendent très utile pour l'expérimentation. Sydney Brenner est un scientifique d'origine sud-africaine qui a rejoint le laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge où, dans les années 50 et 60, étaient concentrés les grands acteurs de la biologie moléculaire de l'Europe, de l'Est. Et il a contribué à déchiffrer le code génétique, donc d'établir le lien entre les codons, les séquences de 3 lettres, l'ADN, les ARN messagers et les ARN transferts qui permettent la fabrication des protéines. Donc, il a travaillé avec Crick et avec Watson à Cambridge à l'époque. Et au moment de sa décision d'adopter Selgans comme modèle au laboratoire, c'était plutôt un modèle qui était très peu étudié. Selgans était décrit pour la première fois au tout début du XXe siècle par un Français qui s'appelle Maupass. Ensuite, certains chercheurs s'intéressaient à son mode de reproduction autofécondant qui posait des questions pour les scientifiques. Mais à partir du moment où Brana a fait son choix, et à partir du moment où lui s'investit pendant plus de 5 ans pour montrer qu'on peut prendre une approche génétique pour essayer de disséquer les mécanismes sous-jacents du comportement et du développement, il a pu assembler un nombre de gens qui sont venus de tout horizon et de tout pays pour travailler avec lui à Cambridge. Une des conséquences de cette départ assez récent, c'est que la communauté Selgans, malgré une taille assez importante, il doit avoir peut-être 5000 personnes actuellement dans le monde qui travaillent avec Selgans, est toujours une communauté très collaborative. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément travailler avec cette communauté des gens. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on connaît tout le monde, mais il y a 15 ans, c'était le cas que tout le monde se connaissait. Et ça a été associé avec une très libre échange d'idées et aussi de réactifs et de souches de verre, ce qui a accéléré énormément les découvertes qui étaient pu faire avec cet organisme. Parce que, par exemple, c'était avec C. elegans que on a vu la toute première séquence d'un génome d'un animal multicellulaire. Donc, c'est des travaux qui étaient faits par John Sulston. John Sulston qui a pris C. elegans avec Sidney Brenner. Et chaque personne qui a travaillé avec Sidney Brenner ensuite est partie dans les quatre coins du monde, établir son propre labo, former des étudiants et des post-doctorants qui ensuite établit leur propre labo. Et donc moi-même, je peux retracer une lignage qui remonte à Brenner. Et mes collègues aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, également, ils ont une connexion quelque part, pour la grande majorité, directe avec Sidney Brenner, qui fait une cohésion dans la communauté. Sidney Brenner a fait son choix en alentour de 65-66. Son premier papier décrivant le premier étude génétique était apparu dans le début des années 70. Et dans ce papier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué la méthode de génétique classique. Il a pris C. elegans. Il a mis les vers en présence d'un produit chimique qui est mutagène, donc qui va altérer l'ADN. Certains nucléotides dans le génome de C. elegans exposés à ce mutagène vont être changés sur un des deux chromosomes. Donc, dans les gamètes, dans les spermes de C. elegans ou dans les œufs, ça va être altéré. Ensuite, dans la première génération des vers qui sont mutés, on va avoir une mauvaise copie d'un gène et une bonne copie. Or, C. elegans autofécondant, dans la deuxième génération, par des lois de Mendel, on va avoir un quart des descendants qui vont hériter de mauvaises copies. Et donc, si c'est un gène qui est essentiel pour la vie, ces individus vont mourir. Si c'est un gène qui, par exemple, contrôle la taille, si le gène est muté, peut-être on va avoir des vers qui sont plus grands ou plus petits. Si c'est un gène qui est essentiel pour la fonction du système nerveux, ces vers vont présenter un problème par exemple, déplacement. Ils vont plus être capables de se déplacer correctement parce qu'on a besoin des systèmes nerveux pour contrôler les muscles. Également, si c'était un mutant qui affecte les muscles, les vers vont avoir aussi un problème comportemental. Et en faisant cette mutagenèse, il a pu isoler des centaines de mutants différents, chacun présentant un phénotype qui était différent. Ensuite, en faisant des croisements entre des mutants qui présentent des phénotypes qui sont similaires, il a pu démontrer qu'il existait des vingtaines de gènes qui contrôlaient la taille, des centaines de gènes qui contrôlaient le système nerveux, et son but, c'était de générer suffisamment de mutants avec un comportement altéré, d'être capable de commencer à décortiquer le comportement par le biais de cette approche génétique. Cette approche génétique, c'est une approche qu'on utilise dans la grande majorité des labos CLGANS aujourd'hui, parce que l'approche génétique a vraiment une énorme puissance pour comprendre le vivant. Contrairement à énormément des organismes, C. elegans, dès sa première division cellulaire, donc au moment que l'œuf divise en deux, il y a la définition de devenir cellulaire dès cette première division. Donc ces divisions qui suivent sont tous programmées dès le départ d'une telle manière que chaque animal va suivre un processus développemental qui est complètement invariant un individu à un autre. Et cet développement programmé va conduire à la formation d'un ver adulte qui comporte 959 noyaux exactement, précisément. Et donc, ces animaux sont identiques en termes anatomiques et ils ont également la caractéristique d'être hermaphrodites, hermaphrodites autofécondants. Car pendant le développement, ils vont d'abord former des spermes qui sont stockés et ensuite ils vont former des oocytes. Donc des œufs vont être le résultat de la fécondation interne des oocytes par les spermes. Et le ver va pondre ses œufs l'une après l'autre. Au laboratoire, on cultive les vers sur des boîtes de pétri, des petites boîtes de pétri émancées avec une tapis bactérienne, car les vers mangent des bactéries. Et un individu hermaphrodite va pondre, disons, 300 œufs pendant une période de 3 ou 4 jours. Donc, ces œufs ensuite vont développer. Cet cycle de développement invariant dure 2 jours et demi à 20 degrés. Et au cours donc d'une semaine, on passe d'un individu à une population de près de 100 000 individus qui sont tous identiques au terme anatomique. Également, les souches qu'on utilise au laboratoire sont ce qu'on appelle homozygotes. À tous les loci. Ça veut dire que chaque gène qui est en deux copies, sur les deux copies des chromosomes de cet animal, sont identiques. Comme un individu va produire à la fois les spermes et les œufs, et les descendances sont produites par les fécondations des œufs par les spermes, ces individus en termes génétiques sont également identiques aux parents. Donc un individu peut produire en une semaine 100 000 individus qui sont identiques au niveau anatomique, mais également en termes génétiques, ce qui est un énorme atout pour des études génétiques. Comme Brenner a choisi C. elegans, il a dit que les questions majeures en biologie moléculaire étaient résolues. Donc peut-être 50 ans plus tard, on peut dire que c'était un peu précoce, mais pour lui, c'était le moment à passer à des questions plus complexes que des questions mécanistique de la transcription, de la traduction, et il a pris ses élégances pour essayer de comprendre le fonctionnement du système nerveux. Ces élégances contient 302 neurones précisément. Un des premiers exploits qui était fait avec ce ver, c'était de le couper en 10 000 tranches et passer chacun de ces tranches sur un microscope électronique pour visualiser l'emplacement de chaque cellule le long de l'animal. Donc c'est élégant, c'est comme une verre, c'est comme une longue cylindre. Donc imaginons qu'on coupe un saucisson et ensuite on regarde chaque coupe de cette saucisson. On peut imaginer aussi comment on peut reconstruire la connectivité entre les neurones. Et donc pour ces élégances, on a une carte qui explique comment le système nerveux est fait. Célégance, malgré sa complexité anatomique, présente en termes de son comportement une variété assez riche. Il est capable même d'apprendre. Il est capable d'associer certaines odeurs avec l'infection, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qui nous intéresse directement. Mais dans la nature, il utilise cette capacité de sentir pour naviguer, pour trouver la nourriture. Il le fait en partie parce que existe une famille de chémorécepteurs, et chez Célégance, il a eu une énorme amplification de cette famille, d'une telle sorte que Célégance a plus de 1500 récepteurs capables de capter des signaux odorants différents pour ensuite modifier son comportement pour savoir s'il doit aller dans un certain sens ou dans un autre. On imagine qu'il y avait la naissance d'une forme de vie à un moment donné, et à partir de cette forme, une diversification des formes de vie. Si on reste au niveau des bactéries, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y avait des centaines de formes de bactéries. Ces bactéries sont soit adaptées pour profiter de niches écologiques où il n'y avait pas de concurrence, soit ils étaient en concurrence avec d'autres bactéries qui avaient besoin de prendre la même source de carbone pour croître, par exemple, ou étaient en concurrence pour le CO2, l'oxygène, le nitrogène, l'azote, pardon. Et ces bactéries ont commencé à développer des armes pour tuer le voisin. Chaque fois qu'il y a l'émergence d'une arme, il va avoir l'émergence d'une défense. Et donc, on voit aujourd'hui que les bactéries possèdent des armes biologiques extrêmement bien développées et aussi des mécanismes de défense pour lutter contre d'autres microbes qui sont aussi extrêmement bien développés. Un exemple qui est connu à tout le monde, c'est les antibiotiques. Donc les antibiotiques, par exemple, produits par les champignons pour empêcher les croissances des bactéries. Et on sait bien que les bactéries sont capables de développer les mécanismes de résistance contre les antibiotiques produits par les champignons. Dans une certaine mesure, ça c'est un premier niveau d'immunité, c'est un mécanisme de protection contre l'agression d'un autre. Si on passe aux organismes multicellulaires, l'organisme en soi représente une cible éventuelle des microbes, car c'est une source d'énergie. Donc les organismes multicellulaires doivent se défendre des microbes ou des organismes qui vont faire une invasion de ce qu'on appelle l'hôte. Donc, au moment qu'on a un organisme multicellulaire, et dans cet organisme multicellulaire, il y a des spécialisations des cellules d'une telle manière que les cellules au sein d'un organisme ne sont pas tous pareilles, on doit avoir la capacité de faire la distinction entre soi et non-soi. Et on doit être capable de reconnaître le moment où il y a un danger, quand il y a une attaque, quand il y a une blessure, et quel est le moment pour se défendre. Et au fil de l'évolution, il y a eu une complexification des mécanismes de détection, de reconnaissance et également de défense. Chez l'homme, il y a le système immunitaire adaptatif qui est caractérisé par sa mémoire. On connaît tous la vaccination qui dépend de la capacité de garder une mémoire d'un agent pathogène pour réagir plus fortement et plus rapidement si on est confronté par le même pathogène dans l'avenir, et également par une spécificité. Si on est vacciné contre la grippe, on n'est pas protégé contre la varicelle, et inversement. Cet système adaptatif est quelque chose qui est assez récent dans l'évolution. Il se trouve dans les vertébrés avec mâchoire. Donc c'est pas dans l'ensemble des vertébrés. Cet système était ajouté à un système préexistant qui est l'immunité innée. L'immunité innée est le système qui est rapide et pour lequel il n'y a pas cette notion de mémoire et où la spécificité n'est pas aussi important. Pendant longtemps, on considérait que le système immunitaire inné n'avait aucune spécificité. Les travaux des 20 dernières années ont démontré qu'en fait, il y a un certain niveau de spécificité dans la capacité d'un organisme aussi simple que ses élégances de reconnaître et répondre à une pathogène. Je dis que c'est élégant et simple, mais il faut garder en tête que dans son génome, il y a 20 000 gènes, comparé aux 30 000 gènes chez l'homme, et 75% des gènes qui existent chez nous trouvent un équivalent chez ses élégants. Donc il y a un homologue pour chaque 3 gènes sur 4 de l'homme chez c'est élégant. J'ai eu la chance d'être recruté à l'INSERM à une époque où, en gros, j'avais un projet sur papier. Les travaux sur la mouche de vinaigre, la drosophile, juste à ce moment-là, donc c'est en 97, démontraient qu'il y avait un intérêt d'étudier l'immunité innée chez les invertébrés. Si on était intéressé par l'immunité innée dans d'autres espèces, dans l'homme, j'ai présenté donc un projet disant l'immunité innée est intéressant, on peut utiliser les invertébrés pour le comprendre, et C. elegans est un modèle génial, jusqu'à présent jamais utilisé pour étudier l'immunité innée, on met les deux ensemble et on va voir si on peut utiliser C. elegans pour comprendre les mécanismes de l'immunité innée. J'ai eu la chance que ce projet, qui était basé sur les arguments, pas sur les données, était accepté. Donc j'ai eu une poste. Et bientôt après ça, j'ai reçu un financement du CNRS pour démarrer une équipe sur cette thématique. Sachant qu'à l'époque, il y avait même un débat au sein de la communauté scientifique s'il existait ou n'existait pas une immunité innée chez les nématodes. Vu la rapidité de son développement et vu ses défenses physiques qui sont extrêmement bien développées, il a une cuticule qui le défend de l'extérieur, dans son pharynx où il va ingérer des bactéries, il a une broyeur qui littéralement va casser chaque bactérie qui entre d'une telle manière qu'il n'y a aucune bactérie entre dans son intestin. Basé sur ces faits-là, donc cycle de vie très rapide, défense physique très fort, il y avait des personnes qui disaient « si le cancer n'a pas besoin d'avoir des défenses ». Donc on s'est lancé dans ce projet, qu'on peut dire un risque assez élevé, grâce au système en France qui donne une stabilité pour des chercheurs, pour entreprendre des projets à haut risque. Donc c'est pas un projet que j'ai pu développer ailleurs qu'en France. À l'époque, une équipe à Boston, dirigée par Fred Aushubel, a démontré que Selegans peut être infectée par Pseudomonas. Pseudomonas qui cause des maladies graves chez les patients atteints de mucoviscidose. Il a pu démontrer que des mutants de Pseudomonas qui étaient moins pathogènes pendant l'infection chez l'homme étaient moins pathogènes pendant l'infection chez Selegans, et il a pu démontrer qu'on peut prendre une collection des mutants créés à hasard chez la bactérie, les prendre un par un, les tester contre Selegans, identifier les mutants qui sont moins virulents, les caractériser, les tester chez un modèle murin, et il a pu démontrer que les mutants atténués pour la virulence chez Selegans étaient également atténués pour la virulence chez l'homme. Et donc, le modèle Selegans a permis un criblage fonctionnel beaucoup plus large et beaucoup plus rapide qu'on a pu imaginer faire chez un animal modèle vertébré. À l'époque, ces travaux n'étaient pas publiés, mais il existe dans la communauté Selegans un système de communication très ouvert où les gens, pendant les meetings scientifiques, présentent les travaux avant publication. Il existe une publication informelle qui s'appelle Worm Breeders Gazette, donc les gazettes des éleveurs de vers. Et c'est un forum d'échange d'idées. Et même si ces travaux n'étaient pas publiés, j'ai pu me mettre en contact avec l'équipe de Fred Aushubel, discuter avec eux et voir que c'était possible de proposer un projet d'utiliser Selegans pour comprendre la virulence bactérienne dans un premier temps. Et ça, c'était toujours un projet, on peut dire, de réserve, dans le cas où, si en réalité, Selegans ne possédait pas de système immunitaire, on aura toujours la possibilité de travailler sur la virulence bactérienne en utilisant Selegans. Et il s'avère qu'en fait, Selegans possède un système de défense extrêmement complexe. Voilà. Rien n'était planifié. J'ai pensé que c'était probable parce que, comme même des bactéries ont leur propre système pour leur interaction avec d'autres êtres vivants, que Selegans n'aura pas ce système qui existe également chez les plantes. Il y a des systèmes de défense chez la levure. Ça sera extrêmement étonnant que ça n'existe pas chez Selegans. Mais au même temps, il faut savoir que il était, comme le génome de Selegans était caractérisé, il était déjà connu que des éléments considérés comme absolument clés pour les défenses ont été perdus chez Selegans. Selegans a fait nettoyage, il a nettoyé les éléments qu'ils n'utilisaient pas, et donc ces éléments n'existent pas chez ces ligands. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle certains scientifiques ont dit, voilà, regarde, cette molécule n'existe pas chez ces ligands, comment on peut imaginer un système de défense si cette molécule clé n'est pas présente? Et donc, au départ, pour répondre à la question s'il existe des défenses innées, c'était nécessaire de faire une recherche plus ou moins aveugle, mais une recherche où la question c'est assez simple. Comparons des vers infectés avec des vers non infectés, est-ce qu'il y a des changements en termes d'expression génique? Est-ce qu'il y a des gènes qui sont exprimés après infection? Est-ce qu'il y a des gènes qui sont reprimés après l'infection? Et là, on a eu une bonne surprise que l'infection de ces ligands provoque des changements drastiques, rapides et fonctionnellement importants en termes de ces gènes de défense. Et un des premiers gènes qu'on a pu mettre en évidence comme induit, c'était un lysosyme qui, depuis les travaux de Fleming dans les années 20, était connu pour leurs propriétés antibactériennes. Donc, on savait dès ce moment-là que ces ligands, face à l'infection, va allumer ces gènes de défense. Et depuis ce moment-là, notre recherche porte principalement sur deux axes. Un, c'est d'essayer de définir la spécificité de cette réponse, comment ces ligands va monter une réponse qui est ciblée face à une pathogène et une autre réponse face à un autre pathogène. Et c'est le deuxième volet, c'est d'essayer de décortiquer à tous les niveaux cette réponse immunitaire. Ça veut dire, au niveau moléculaire, quelles sont les protéines qui interviennent dans la reconnaissance d'un pathogène, dans la transmission de l'information qui a une infection qui est en cours, dans la transcription, l'expression des gènes de défense dans chaque cellule, de regarder en termes cellulaires quelles sont les conséquences. Étant donné que ces ligands est transparent, on peut voir à l'intérieur d'une cellule ce qui se passe. Et on peut également, comme c'est un verre qui est petit et on peut les cultiver en grand nombre au laboratoire, on peut également poser la question, en termes de l'organisme entier, quelles sont les conséquences de l'infection? Parce que quand l'organisme est infecté, il doit équilibrer des besoins différents, se défendre, mais en même temps, il doit assurer les fonctions de base, il doit se nourrir, il doit se reproduire. Quand mon organisme va décider quelle est la part de son énergie à mettre dans les défenses et dans les autres fonctions physiologiques. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe travaille sur tous ces aspects différents, et on a l'espoir dans les années à venir d'être capable de répondre à ces questions.